Le propriétaire du restaurant Midas de Saint-Félicien, M. Danny Potvin, vous invite à venir déguster le nouveau sundae au coulis de Cambrise, fait en collaboration avec le Verger du Paradis. Chez nous, c'est important d'encourager les produits locaux. De plus, venez savourer la slush au Cambrise qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas, 1084, route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. M. Danny Potvin et toute l'équipe du restaurant Midas vous invite à participer en grand nombre à la Coupe du Québec de vélo de montagne et vous invite à voter massivement pour appuyer la ville de Saint-Félicien dans le concours Craft Hockeyville. Basketball avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Pascal, d'abord, j'aimerais te... Avant de parler des séries dans la NBA, on va faire le tour un petit peu de ce qui se passe actuellement dans la situation des entraîneurs. Les Bulls de Chicago ont congédié leur entraîneur la semaine dernière et également les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. On va parler des Bulls. Question que je me pose là. On a vu beaucoup Last Dance dans la dernière. Durant le confinement puis durant le COVID et ainsi de suite. Et on a vu comment les Bulls avaient une équipe, c'était sûr, c'était Michael Jordan, mais ils ont remporté 5 championnats. Les Bulls, depuis cette époque-là, ça tourne en rond. Est-ce que ramener des anciens joueurs de l'organisation des Bulls qui ont gagné, ça pourrait ramener un peu cet élément de fierté-là? Je ne penserais pas. Je pense que ce temps-là est résolu. Okay. On a eu les 6 championnats avec Michael Jordan, 3 avant sa retraite, 3 après sa retraite, dont le Last Dance qui montrait la dernière saison là, en particulier. Il montrait tout, mais il montrait la dernière saison. Écoute, les meilleures années des Bulls, je dirais, c'était avec Derrick Rose. Derrick Rose qui était MVP de la Ligue, tout ça, avant sa blessure. À l'époque, c'était Tom Thibodeau qui était l'entraîneur. Si je ne me trompe pas, Thibodeau vient d'être nommé le nouvel entraîneur des Knicks. Donc, je pense que je pense que Chicago était bien parti. Plusieurs joueurs, dont Carmelo Anthony, considéraient peut-être aller aux Bulls, mais lorsque Derrick Rose s'est blessé, c'est la grosse vedette qui est jamais vraiment redevenu le même joueur. Donc, je pense que c'est ça qui a fait mal. On commençait à penser aux années de Jordan avec Derrick Rose, puis finalement, ça n'a pas duré longtemps à cause de la blessure. Ouais. Fait que c'est des fois, ramener des anciens joueurs, tout ça, non, je pense qu'il faut vraiment faut faire un peu à la méthode des Raptors où il n'y avait pas de vedettes, il n'y avait pas de gros noms, mais on a développé des joueurs. Puis le basket, Danny, est rendu un peu comme la NBA, comme le hockey, puis le baseball au niveau des équipes en dessous, tu sais. Puis au basket, on faisait pas vraiment ça, mais la NBA maintenant depuis plusieurs années est focusée sur ça. On parle d'un Chris Boucher, même un Pascal Siakam qui jouait dans la Ligue de développement, tu sais. Puis Toronto, je veux dire, ils ont eu leur championnat lorsqu'ils ont été chercher Kawhi Leonard, la grosse vedette, mais là en ce moment ils sont prêts à jouer. Toronto va peut-être, je sais que tu veux qu'on en parle tantôt quand on va parler des séries, mais pour Chicago c'est vraiment là, c'est un travail à refaire. Mais je suis pas nécessairement convaincu que changer à chaque 2 ans, ça va aider non plus aussi, là, Danny. Là, je pense qu'il faut focusser sur un entraîneur, un directeur général, puis laisser au moins un 5 ans. Comme les Raptors, c'est incroyable le modèle des Raptors. C'est de exactement. Exactement. C'est un système, puis que. Ainsi de suite. Donc, dans les. Puis oublie pas que Toronto ont mis dehors le coach et le joueur, qui les a mis à la limite, à la barrière, là, tu veux dire, puis on mais est capable faire, de chercher. Mais il fallait le faire. Ouais, je pense que oui. Des fois, il faut le faire, mais je pense qu'il y a certaines franchises qu'il faut qu'ils soient patients aussi. Ouais. Donc, dans les quand on parle de patience, ben on a vu te parler des Pelicans. Je pense qu'on veut aller chercher quelqu'un de différent. Ouais. Je serais pas surpris d'entendre le nom de Jason Kidd en passant avec les Pelicans, avec une équipe. On a souvent comparé Lonzo Ball à Jason Kidd. Avec Zion, je pense que Jason a fait quand même un bon travail avec Giannis. Lorsqu'il est à Milwaukee. Il ne faut pas oublier qu'il est à Milwaukee. Donc, je ne serais pas surpris, moi, de voir un jeune. Parce que Alvin Gentry, c'est un vieux de la vieille. Là. Même, on n'était pas sûr de le laisser aller dans le bubble parce qu'à cause, je pense qu'il était en 70 ans ou 65 ans. Fait que je ne serais pas surpris d'aller chercher un entraîneur plus dans la quarantaine, cinquantaine, là, qui va peut-être plus... le basket change à chaque 3-4 ans. Puis en ce moment, ben, ça, je pense qu'un gars comme Nick Nurse qui est vraiment... Les joueurs l'adorent. Il y a des techniques, il y a des, il amène un sang nouveau à une business, des fois, qui ne se renouvelle pas tout le temps, tu sais, je veux dire. Est-ce que Greg Popovich, parce que je te dis ça, parce que les Spurs, c'est la première fois depuis 1997 qui participeront pas aux séries. Greg Popovich, est-ce que son temps est fait? Parce que, non. Avec les Spurs. Greg Popovich, son temps va être fait lorsqu'il va décider que c'est fini. Un peu comme Bill Belichick avec les Pats. Exactement. Okay. Tu viens de tomber en plein dans le mille. Okay. C'est trop. On parle de plus de 22 ans, là. C'est comme non. C'est, ouais, mais c'est, ouais, mais pas mettre quelqu'un dehors comme lui, là. Peut-être qu'il va avoir un dîner avec un des propriétaires pour dire, bon, quand est-ce que tu penses passer à d'autres choses, on va te nommer président. Ouais, on va c'est te, ça. C'est un peu comme Phil Jackson, là, tu sais, mais c'est pas quelqu'un que tu tasses ou que tu. Parce que lorsque Popovich va quitter les Spurs, tu veux pas qu'il s'en aille dans une autre équipe. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu veux qu'il fasse partie de l'organisation, puis. T'sais, je pense que le fait que son épouse, malheureusement, est décédée à Greg Popovich fait qu'il a comme plus continué. Je pense qu'il aurait pris une retraite avec tout le monde pensait qu'il aurait arrêté avec Tim Duncan. Mm. Mais là on voit que il a passé à d'autres choses. Et puis surtout qu'il est à quelques victoires seulement du record. Oui, exactement. Ben, je ne serais pas surpris qu'il fasse encore une saison ou deux, mais là, il a placé son monde. Puis, okay. Il est prêt à partir. Je pense qu'il est prêt à partir, mais il veut probablement être l'entraîneur. Et moi, je pense qu'il va prendre sa retraite après les Olympiques. OK. Parce que c'est lui l'entraîneur de l'équipe américaine. Ouais. Fait que, mais tu sais, Popovich, à quelque part. Mais pour les Spurs, ça serait-tu bon? Moi, je pense que oui. Oui, puis non. Je pense que c'est pas un entraîneur qui est pas. T'as-tu déjà entendu des choses négatives de Popovich? Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais j'ai entendu il y a des entraîneurs que tu peux pas sentir longtemps. À la Tom Thibodeau, exemple, tu sais. Fait que je sais pas, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens à New York, on veut rien enlever à Tom Thibodeau, mais c'est pas quelqu'un qu'on aime travailler avec. Ça, c'est les rumeurs que moi j'ai entendues. OK, OK. C'est un gars qui est. Les Raptors, c'était RDS à 16h. En passant, il y a un très bon documentaire sur Chris Boucher ce soir à RDS. C'est Chris Boucher qui a commencé ici même dans la région Alma à 19 ans. 19 ans, il jouait au basketball. C'est quand même un phénomène, Chris Boucher, quand tu regardes ça. Hein? Ben, c'est spécial. Je suis vraiment content de son cheminement. C'est vraiment quelqu'un qui sort de nulle part puis qu'il s'est développé. Puis c'est un late bloomer. Tu sais, je dis souvent au monde, le basketball, c'est un sport à développement tardif. Ouais. Tu commences à être bon à 20, 21, 22 ans. Tu sais. Puis c'est un exemple typique parce qu'il n'y a pas. Et c'est, tu sais quoi, Danny, c'est rare qu'un athlète qui a pas performé, mettons, pendant. Tu sais, les Américains, là, tu sais, LeBron James, on a des vidéos de lui quand il avait 8 ans. Là, tu sais. On n'a pas de vidéo de Chris Boucher quand il avait 15 ans. Là. Pascal Siakam est dans la même situation. Il a commencé tard, Pascal Siakam aussi. Hein? Même chose. Même situation, Pascal Siakam. Même situation. Puis j'aime ce que je vois de Chris Boucher au niveau physique. Il a quand même pris un peu de musculature, tout ça. Puis c'est un joueur d'énergie. Il court le terrain. Il commence à comprendre où sa place dans la NBA. Puis quand tu comprends où ta place, bien, tu peux rester là très longtemps. Puis, OK. On va y aller maintenant avec la série qui va commencer à Orlando dans à peu près 1h15 minutes. Danny, je t'arrête tout de suite. Toutes les séries commencent à Orlando. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi. C'est une blague. Mais donc, on va y aller maintenant. Ça va commencer dans à peu près 1h15 minutes. Les Raptors contre les Nets. Les Raptors sont en feu. Ils ont très, très bien fini. Moi, j'ai mis les Raptors en 5 matchs. 4. Ah ouais, ça va aller aussi vite que ça. Pas de niaisage. Non. Ils ont personne, les Nets. Là. Toronto ne peut pas se permettre de donner un match aux Nets. Ils n'ont personne. M'excuse, mais ils n'ont personne. C'est une équipe de développement. Okay. À moins que Nick Nurse décide de jouer son banc, de reposer Siakam, puis Van Fleet, puis Kyle Lowry, là, à moins qu'il décide de dire, tu sais quoi, on ne peut pas mettre. Je te donne un exemple, on gagne 2 matchs par 15-20 points. Troisième match est très serré, puis là, on décide de reposer notre gars, puis on dit, regarde, on va leur donner la game, là, okay. On va reposer nos gars, puis après ça, on va finir la série. C'est pour ça que beaucoup d'analystes donnent 5 matchs. Mais moi, si un cinquième match, c'est plus un match que Toronto a dit, regarde, on va le laisser aller. Là. OK. Mais moi, je vois Toronto 4-0. OK. Oui, donc 4-0. Ça ne sera pas plus long que ça. Il n'y a pas une grande analyse à faire. La meilleure série, par contre, c'est Boston-Philadelphie. Ouais. Hein? Mais et OKC contre Houston. C'est les deux meilleures séries, ça. Je pense que OKC-Houston est encore plus dangereux. Mais ce qui est malheureux... Je te parle de spectacle. Je te parle pas de... Oui. Non, très, très. Mais ce qui est malheureux, c'est que du côté de Philadelphie, on n'a pas Ben Simmons. Ouais. Puis du côté de Houston, on n'a pas Russell Westbrook. OK. Fait que ça fait mal. Ça fait mal du côté du spectacle et ça fait mal à Houston et ça fait mal à Philadelphie. Moi, je pense que OKC serait capable d'aller chercher cette victoire-là. Puis malheureusement, j'ai pas regardé. Danny, c'est une chance pour voir la blessure de Lugans Dort. Est-ce qu'il va jouer dans la série ou moi, l'autre fois, je voyais que c'était une absence indéterminée. Absence indéterminée, moi, probablement qu'on le verra pas. C'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment voulu que les gens puissent le voir dans les séries. Là, Parce qu'il est rendu un joueur non repêché dans le 5 partant, là, c'est quelqu'un intéressant à voir. Puis Lucie, il a compris son rôle. Tout un joueur défensif, Lugans. Fait que c'est dommage qu'on n'ait pas la chance de le voir. Ben, Lugans d'or, il est rendu un phénomène important. Là. Absolument. Absolument. T'sais, pour un joueur non repêché, c'est quand même spécial pareil. Non, c'est très spécial. Puis... Écoute, je pense qu'il faisait 75 000 cette année, là, jusqu'à temps qu'il dise OK, buddy, là, t'arrêtes. À chaque fois qu'il venait à OK, si on le mettait dans le starting five, dans le 5 partant, puis on lui donnait toujours le joueur le plus dur à surveiller. Fait que non, c'est une grosse perte. C'est pas une aussi grosse perte que Westbrook ou Ben Simmons, mais c'est quand même une grosse perte du côté de. Puis c'est une perte pour nous autres, on aurait aimé se le voir jouer. Portland contre les Lakers, est-ce que je disais ce matin que du côté d'un site que les Lakers redoutaient beaucoup, puis ça a été plus ou moins bien les Lakers dans la bubble. Est-ce que les Lakers pourraient se faire surprendre par les Trailblazers? Ça va être assez serré. Absolument. Hein? Oui, hein? Absolument, parce que, écoute, CJ McCollum, Damian Lillard, Carmelo Anthony, Jusuf Nurkić, ces quatre joueurs-là, le nombre de quatre joueurs de ce calibre-là du côté des Lakers. Après LeBron et Anthony Davis, il n'y a pas d'autres joueurs comme Carmelo Anthony puis comme Nurkić. Mm. Okay? C'est pas JaVale McGee. Là. Nurkić, c'est tout un centre. En ce moment, il performe à un très, très haut niveau. On a su qu'il a perdu sa mère cette semaine. Il a continué à jouer. Pour moi, c'est en Europe, il va probablement rester ici. Mais Portland, ils ont faim. Dame Lillard veut démontrer à tout le monde que... Tu sais, cette série-là, elle est importante pour Carmelo. Ouais. Elle est importante pour Lillard pour montrer qu'il mérite d'être mentionné dans les 10 meilleurs, toujours. On l'oublie. Portland. C'est toujours le joueur qu'on oublie. Parce qu'il joue à Portland, c'est pas compliqué. Ouais. Hein? Exactement. Puis en ce moment, c'est le meilleur joueur de la NBA. C'est le MVP de Orlando, là, selon moi. OK. Facilement. Là. OK. Les Suns sont pas dans les séries, ils ont manqué un peu, mais est-ce que c'est l'avenir? Les Suns ont manqué un peu, mais ils ont tous gagné le match. Ouais, c'est ça. Imagine-toi, il fallait qu'une coupe d'équipe perde, là, mais les Suns ont démontré ce qu'ils pouvaient vraiment faire. Je te garantis qu'une chose, il doit y avoir à peu près 25 équipes dans la NBA, si c'est pas 29. Il aimerait ça avoir Devin Booker. Ouais. Devin Booker, je te parlais de Damian Lillard, mais Devin Booker, c'était phénoménal. Mais Monty Williams, qui est l'entraîneur-chef, puis les Phoenix ont vraiment démontré là, qu'ils sont prêts à jouer à un haut niveau. Là. C'est dommage. J'aurais aimé ça les voir dans les séries, honnêtement. Là. Ben, mais regarde, pas cette année. Quand une équipe, ça vaut la main faire au hockey, quand on va arriver à la fin de l'année pour évaluer ton équipe, est-ce que ça vaut de quoi? Absolument. Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans parce que ce qui s'est passé, c'est très, très important pour l'évaluation. On a vu la chimie avec Booker puis DeAndre Ayton. On a vu beaucoup de bonnes choses du côté. C'est un nouvel entraîneur, Monty Williams. Fait qu'on commence à voir là, qu'il y a du positif. Puis, ils sont dans l'Ouest, pas facile. Mais ils ont vraiment, vraiment performé. Maintenant, est-ce que certains des matchs dans la bubble étaient plus faciles que si ça aurait été la saison régulière? Peut-être qu'ils n'auraient pas gagné autant de matchs, mais ils ont quand même. Honnêtement, tout le monde est là, fait que tout le monde a démontré ce qu'il pouvait faire. Mais je pense que je pense que ça compte en fin d'année pour beaucoup de choses. Okay. Pascal, gros merci, on se reparle. Ben là, je commence un nouvel emploi, on va faire dans le Radio Sport, mais je sais pas de quelle façon, mais on va le faire pareil, on va continuer à le faire pareil, pas de problème. On va se rappeler pareil la semaine prochaine. Excellent, merci Danny. Pascal Jobin qui nous parlait de l'année.